j'aime le shit. Depuis tout petit, j'aime pas lasser. Je compte les billets comme un ATM. Je rentre pas chez moi avant 8 PM. Depuis l'école, on veut tous les loves. On les chasse, les trouve, on les perd, les sème. Rares sont les bouquets de roses. On dirait qu'en bas, plus personne ne sème. Entre les courses et plus des pauses. On prend des vacances et des longues semaines. Envoie ma prod et mon sopère. Kala au studio, tu sous drogue, je fais des sopères. Kala yo, QG ma cons dans mon son cal. C'est court le soir, si ça caille, j'appelle ces gars. Ba bang bang, ba bang ba bang bang, ba bang ba bang ba bang bang. DNA is the Greek salop. Ok, ça fait. Hey hey hey hey hey. J'écarte les bas sur le beat, t'écarte les gens pour ma bite. L'arabe à moi que j'abrite m'oblige à tout niquer, disperser de la cervelle sur la brique. Ouais, moi j'suis né en Afrique, nique ta mère, toi et ta frime, toi et ta prime. Obligé de sortir le pop la mythe, on continue à prendre le mien pour une pop afrique. Hein, rap sale, sévère, sévère. Rap zazaf, braque ça, c'est elle, mon game te passera le CLM. J'ai autant d'inspiration qu'un corps de concentration. J'vous fais les présentations, moi c'est Jenna, si je n'ai eu qu'à faire un guise de compensation. Tire pressé tard à mon chat, j'te la mets comme j'y péchappe, personne n'y échappe. Défense le rap comme une chatte, je fais la guerre, nique tes chartes. Nique tes chartes, nique tes chartes. Hey, rap top. Dans le bruit de la guitare, je bonjour à mon ennemi, ça je peux pas. Putain, y'a Koutou Boussi, y'a Pepe, la plupart reviennent au cachet populaire. Mais je les attends, ils ont levé la barre, au dieu de la détente. Et j'ai un voix de quoi faire bouger leur teuton. T'es mon ennemi si t'aimes pas que je fréquente. Gauche, droite, dans les chicots, la faut pas chipoter, on aime pas les chickens. Avant elle t'aimait, tu faisais la mala. Là t'as tout perdu, aujourd'hui on chicane. Je fais confiance à personne, ouais je suis le best et j'ai baisé sans pression. Porter ses couronnes, soit là c'est précieux. Donnant ma guichetage, je suis pas là pour percer. Voyant depuis le berceau, je m'arrête pas donc je fais pas ce qu'à Rock et Bercy. Pour se faire chez moi, j'ai des choses à dire. Faut qu'ils sachent que maintenant ça sera dur. Beaucoup m'ont trahi, mais j'ai du mal à dire. Des amis qui sont devenus des ordures. RS pisse, fais-moi de la place sur la tombe que je pisse. Ainsi y'a de l'espèce. J'ai fauté, j'ai cru que ça m'apprendrait. On t'exécute, fire ouais, bon. J'suis peut-être fou, j'suis peut-être paradoxe. Comme quand j'dis que j'veux le petit cul derrière la grande. J'vais t'aiguer ta mère parce que t'as pas dit c'est l'homme. Un regard fort qui reflète ce mal-être qui nous caractérise dans la tête. Ouais. Si t'as pas de famille, crois pas que t'es riche. Ouais. Parce qu'on s'enterre pas tout seul. Dans les yeux, je regarde la vérité. Hey, que niquer des mères, y'a pas de douceur. J'suis bon qu'à kicker de 16, à vider mes cartouches. Hey, mes frères sont pistés de partout. Hey, hey, faut niquer ces cafous. Ouais. La concurrence dans un sac mortuaire. Atmosphère glauque, pas de rose là. Faut que je smoke, donc on voit la ruse là. Hey, ici c'est la cause à notre swap. Yo, faut du coffre qu'on arrose ça. J'ai tout le matos dans la grosse besace. J'étouffe hardcore, laisse-moi respirer. Tes coups savent qu'on se laisse pas refait. On est toujours rouge comme les rôdes besaces. Bye. En moins de deux, j'fais des one shot. Je les entends tous parler, faut les boucles des réseaux. Dans les cons, pas de la manchave. Jamais trahi le squad, même pour avoir raison. J'en ai rien à foutre, j'étais différent. J'pars au quart de tour. J'connais la rue comme eux, j'pars des allées sombres quand on parle de tour. Tu parlais sur moi, tu te renommes dans la fosse. Pour tous les vrais qui me soutiennent dans la salle. J'ai grandi, j'ai zoné, j'ai tout fait pour mes sauces. Très loin du paradis pour t'approcher du linceul. Ego, tu crois que tu vas me filer la frousse. Mais le manque d'argent a forcé mon mental. T'es ma mégaine, on traverse la brousse. On en a fait des choses, mais crois pas qu'on en parle. J'ai pris de la cote, t'as vomisé. La dégaine, ralphonisé. J'ai traversé les flammes pour te carboniser. Tu veux me stopper, bah faudra bien que tu butes. T'es dans l'excès, faut que j'excelle. Tu ramènes des meufs, faut que je ramène le butin et je vous emmerde. Et c'est les crew. EDRF, mon gars. EDRF. Par. Y'a du thème, Soso. Mais nous, un autre truc un peu, non? Change un peu. Yo, je teste un petit truc, je peux tester un petit truc. Bah, je teste un petit bail. Yo. Tout le monde se la joue perso. Personne n'y passe pas contre personne. Il faut se faire seul, j'ai arrêté de faire ça. Faut le faire zinc, nous on sait faire ça. Wow. Merci mon ami, quand on a nique sa mère. On est rapté dans la soirée. Merde, t'inquiète, laisse-moi qu'il y a peu. Merde, hein. J'vois des boucles de Belfort, j'vois des boucles de Bezac. Frère, j'ai quelques rimes planquées dans ma putain de besace. C'est de l'impro, m'amène ta capte. Tu vois, j'nique le freestyle. Ouais, j'suis al et je mitraille. Tu le sais que je freestyle. T'as l'air ma gueule, je suis higher, mec. Higher, je nique sa mère à la prod, à la proc. Même si je fais plus de délits, frère. J'vois trop de boucles qui sont devenus débiles. Donc, faut faire des trucs, faut laisser des traces, être indélébile. Frère, tu tu parles de moi, choisis ton adjectif. Tu vois, je vois trop de mecs gratter les acédiques. Moi j'ai trop la dalle, ma gueule, moi j'ai de l'appétit. Waouh, ça fait du bien de kicker ça, gros. Merde, ça fait du bien de kicker ça, gros. Merde, ça fait du bien de kicker de l'homme, bro. Qui prend ça, ça fait du kien, la nanana. Wow, wow, le ouais, délire. Ouais, wow, ouais, ça part ouais, en Japon, ouais. Frère. Ben, bon, bon petit délire. Oh, oh. On dirait tiens les mains. Hey. Bang, bang. Bang, bang. Hey. Elle est trop bonne, la petite guerre. Si je lui pète le couère, tu t'y perds. Yeah. Je fais pas de peur à engager, mais je nique des femmes de militaires. On dit SOS au fait les terres, nous on fout le zdar, frérot là où ça tire. Je roule un gros d'air devant ta mère à terre, le mal m'attire. Je vais quitter la matrice, cette vie d'amatrice, des carbats des actrices. Nique ta mère et ton père, le tapin qui tapine. Si demain je tombe, je fais ma peine, je suis des Z, je ne fais pas la bitch. Je m'en bats les clés ou d'aller à Palavas, faut que je me casse le crâne à Palm Beach. Et j'aime ça quand je suis rabat, je dis, faut que je m'éloigne des tentatrices. Et Kerba ne me loupe pas, t'auras pas d'autres tentatives. Et toi dis-moi, t'as qui dans ta team? Moi je fais de la roue avec les gens de ta mif. Bang, et toi t'es fou là, j'ai pas besoin de moula pour soulever ta maman la milf. Bang, SOSO, je suis al. SOSO, je suis al. SOSO, je suis al. Bang, bang. Bang, bang. Hey, SOSO, je suis al. Okay. Moi je me creuse la tête, j'ai plus trop la tête à la fête. Échec sur échec, on veut signer des cases d'aide. Non tu vas pas me rendre bête, chez moi c'est tout pour la fame. Toujours en quête de la recette. Dites-lui que j'ai pas eu la vie à l'île Pump Eshkeret. Mes sentiments un sentier, plus le temps de culpabiliser. Pensées sont marquées par tout le time passé à gamberger solo dans le barrio. Je pars du principe que sur cette terre on est rien. Pour ça que je veux faire le bien. Tu peux garder ta pièce. Hey, tu m'as pris pour Mario. Oh, je pense à ce parti trop tôt. Hey, nous aussi on a la dalle. Pourquoi avoir la détona sur le poignet? Les petits s'en foutent, les petits sont fous. Tu la hagari, t'as pas zappé. Trêve des gentillesses comme le Joker, ça te fait ta mère. Les balles sont dans le revolver. J'ai les oreilles qui font siffler quand j'entends les ragots de ces enculés. Vers chez moi, y'a pas de vrai ingé pour pouvoir tout arracher. Pas un pour pouvoir se projeter. Georgie importé, moi je veux exporter. Son audible qui te crie. Et si ça pète, on va signer. Hey. Pour m'élancer, les coffres vont être crochetés. On m'a dit patienter un horloger. Pour l'instant, parking on n'est pas convié dans vos birthdays. Mais tu sais qu'on fait l'unanimité auprès de votre aspect. Sa PCP compagnie, toujours en mauvaise compagnie. La caille nous a piqué. En vrai, je te mens pas, j'ai jamais vu de vrais alliés. T'es dû au dû. Hey. T'es dû au manque de monnaie. Hey. Hey. Digue, digue, check, bug, ça c'est limite. Digue, c'est le son, tu cherches de la bite. Comment arrive-t-il? Poule, poule. Poule, poule. Poule, poule, sur la bec, elle est sale. Dégué, dégué, c'est ben, cache tes limines. Dégué, c'est le son, tout cherche de la bite. Hey. Dynasty, sans l'op. Dynasty. Ouais, ouais, ouais, ouais, wesh les rêves, vous êtes là ou quoi? Ouais, on est là. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Hey, ça fait. Ça fait. Dégué, dégué, ben, cache tes limines. Ouais. Dégué, c'est le son, tout cherche de la bite. Comment arrive-t-il? Rap ta millette, ouais. J'ai tous les démons, moi qui habite. J'suis le gars suspect, bien sûr j'plais, ouais. Défonce les portes, j'ai la casse suspect, ouais. Trouver les vis, tu n'as pas su, eh. Mais toi viens me dire que t'as pas su, c'est chinois, ouais. J'ai les yeux d'un chinois, casser le cul, tu le fais bien, ah ouais. Tout arrête soir, je le rentre pas chez moi, ouais. Battre sur la mélodie, ouais. Grosse bouteille dans le Audi, je vais tout niquer aujourd'hui, je suis trop grillé d'après ce que l'on me dit. J'ai tout le temps pour suivre ma quête. Je détaille pas ma vie que des plaquettes. Plaquettes, je répète, je suis pas trop tennis, mais tous ces fils de pute, je les raquette. Ah ouais? Que de ta pète. Bang! Vas-y, j'arrête là. Que de la peuf comme mon Z là. Oh ouais? T'as du LR au final, Jezer, les mecs, on vous éclate. Descendant de Sarrazin. J'azerai jusqu'à la moitié. Ouais. Je finirai assassin si je me laisse emporter par la force de ma fierté. Ouais. Ouais. Y'a pas de baisse. Niki mec, trop de soucis dans la cabesse. Ah ouais. On te blesse, retourne-y par la veste. Belle force, c'est pas la passe. Au moins du plaque, tu t'auras des lors. Elle craque juste quand tu prends. Gros but. Parabellum. Ce soir, tu vas te faire fumer. Parabellum. Je nique tout dans ta fête. Tu touches pas si t'es mal fait. Yeah. Quand je suis arrivé, rabat ta yep. Reparti menotté dans les salles. Je suis cassé à l'eau de première. Mademoiselle, je voulais en mettre par derrière. Je vais parler, laisse ta primaire en primaire. Laisse tes teasers, ma race, tes doigts la dernière. Ouais, ouais, nique tout dans la ville en fond de 6. Bas les couilles de la vie à Francis. Ah ouais? Viens donc chevaucher le cavalier sans tête. Ouais, moi, pété circoncis. 9 salope. Bang. Wouh! Bang, bang, bang, bang. Pull up, DJ, bang, remets bang, la même. Bang, bang, bang, bang. La même, DJ, la même, la même. C'est OM. Tu peux niquer là? C'est où? Là. Yo. Merde. J'suis dans le rap boy, j'ai commencé sur le rat, j'suis un raptor. Mais j'suis prêt sur ce cahier, j'en ai un rap ball. T'entends, tu déconnes mes bras, j'suis le 8 comme Kobe Bryant. Mon équipe peut compter sur moi. Mon équipe peut compter sur moi, boy. Boy, boy. Mon équipe peut compter sur moi, hey. Boy, j'suis comme de l'eau, je laisse personne me marcher dessus. Mais ton père, je prends de l'âge, j'ai beaucoup de personnes en déçu. Dis pas que partout c'est la même, va voir ailleurs, c'est demandé sur. Dis-moi, j'en t'appelle, tu t'appelles que demander de plus. J'écoute, pas de personne, tout le monde pour moi et perso pour moi, ça dépend des fréquences. On a peur des gens qu'on fréquente, chacun a son personnage et on a peur d'être seul. C'est dur d'être raisonnable, y'en a tellement peur. On a tellement peur de nous-mêmes, on a tellement peur de nous perdre. On a tellement peur de trouver, on a tellement peur de tout faire. Je voulais voir la terre de plus près. Je peux la voir manger faute, on a tous nos mauvais côtés, ouais, les vices, on les connaît. On a pris des chemins reposés, parfois ce qu'on nous propose. Parfois j'ai peur de trop donner, moi je veux que trop peu donner. Un petit truc genre, yo, j'ai tout, j'ai besoin d'air, ma main, trop de vitesse, j'ai peur de déraper, je me sens seulement, j'ai très peu d'amis, difficile de rester terre à terre, j'ai tout, j'ai besoin d'air, ma main, difficile de rester terre à terre, j'ai tout, j'ai besoin, non, difficile de rester terre à terre, Ah ouais! Comment? J'ai d'instru à plus loin. Je l'ai pris comme une grosse merde, voilà. Hey, c'est OUM. Hey. Voilà, je... ouais. Ça fait. Ça fait. Hey. C'est OUM. Hey. Si tu fais la chienne, on te pendra par la chatte. Je viens vous montrer le décor de la scène. Augmenter mon pouvoir d'achat. Suspendu dans le vide, poteau, je vais lâcher. Hey. Trop des choix, tu pousses à la salle. Nouvelle paire de choses, vas-y, fais mes lacets. Trop des terres, je viens fumer l'asphalte. T'as un gros boule, mais ne crois pas que t'es la seule. T'as rien à faire à part des lasagnes. Je suis pas mal, je remets sur toi, y'a le laser. T'adores ça par la voix nasale. Suspendu dans le vide, poteau, je vais lâcher. Ah, Comment? Là je pose mon 16. Merde. Eh. Eh. Ils ont débarqué à 6h du bar, j'étais en train de dormir. Ouh. Je crois bien qu'ils sont remontés à l'histoire de la bague de nuit. Ouh. Fais pas de chichi, non. Fais pas de chichi. Pas de chichi, pas de chichi. Commence pas à faire copain-copine avec l'OPJ. Et voilà, amigo, en chaud, y'a pas de garretti. Même si t'as calé ton techi. Et si tu me dois du papel, ne commence pas à me vesquer. Et commence pas à répondre aux appels. Ou tu regretteras l'époque de Maya l'abeille. Au lieu de faire le djihen pour ta meuf qui n'est même pas belle. J'ai pas compris pourquoi t'as tout dit devant l'OPJ. Pourquoi tu m'as trahi? Pourtant t'étais mon ami. Pourquoi t'as changé ainsi? T'es devenu un pourri. Un pourri? Bien compris que l'aujourd'hui y'a que la famille. Aïe. Younes. Cesse d'anthologie. Cesse d'anthologie, frère. Vas-y, je suis prêt, Younes. Ouais. Ok. Historique. Dans la 25ème. Il a mis son sac comme NASA. Il a mis son meilleur sac. On va mouiller le maillot. Mouiller le maillot et mailler. Vas-y, dis-toi. Oh, je vais honorer ta preuve, gros. Ok, t'es prêt? Oh, t'as cru que je suis jusqu'à 4? Attends. 2. 1, 2, 3, 4. Oh, lourd ou pas, c'est du rap, c'est du rap muet, nouveau concept les gars. C'était Younes, surtout ne l'ajoutez pas sur les réseaux. Check. Wesh les mecs, ça suffit, trop donne leur souffle. Ce ne sont pas des choses qui se font. J'ai pas envoyé toutes mes œufs à mes dans ton équipe. Tous les rappeurs sont faibles et je m'en bats les couilles de pas être invité à vos teufs. En toute amitié, je ken vos rêves, je suis à l'extrême sa race. Tu vas croire que c'est un putain de film d'horreur. Parfois il me faut du temps pour écrire un 16 et parfois je le plie en moins de 2. Si tu cherches la guerre, fais pas de film. C'est sûr qu'à la fin y'aura pas de happy end. Au quartier, on est allé tourner la N2. Pas la peine de faire les gueudins. Permettez que je ne fasse fermer des gueules. Je fais des meurtres et des heures. En studio, j'en passe plein. Ne crois pas qu'on se plaint, c'est pas le genre de la maison. Mais les plus grands gangsters gardent la raison. Ouais, faut qu'on casse la baraque, on fait face à la déche, on fait semblant que ça va. J'suis dans les bails de Yes Weekend et ça bien avant Obama Barack. J'pense à mes frères qui tombent à la rate. Balaye au coup que t'es bon malarache. Hey, la 25ème, ciao, Younes, bang. Mirsa. Oui. Ok. Ah, j'écoupe le beat quand je rentre. Un des bouquets du bif quand je chante. Rien que j'ai l'envie d'être blindé, plein de blé, je cultive. Car là, je suis dans le champ, j'ai ça dans le sang. Toi dans le ventre après 9 mois. Tu classes ta suite en 3 lettres comme le nom mythique de ce groupe du 9-3. Une seule voix pour le sommet. seulement peut me détrôner. Je suis le seul roi que tu connais et la seule loi que tu peux voter. OP, OK, là je plane en R Caraïbes, herbe cannabis. Verse-moi la tease, laisse j'analyse. Je baisse à la prise, lui fais pas la bise. Boom, punch un R carabine. Skiz, le blast sur lequel tu peux cliquer. Je sais que tu kifferais, mais sur la même prod, on ne peut pas kicker. De quitter, j'en ai rien à battre. Viens à table, c'est un festin. J'suis venu grailler des faux MC jusqu'à ce que j'fasse péter mon intestin. Cœur d'iceberg face au Titanic, à toute heure, c'est la tyrannie. Suis-je Illuminati si j'pose dans un bunker au milieu des pyramides? Oui, j'arrive à découper les gores, coupe les gores. Oui, j'ai coupé des portes, découpe des cordes. Oui, j'ai découpé les gores, coupe les portes. MC, t'es en coupé sport, moi en coupé sport. Qu'est-ce J'enchaîne les gars, j'enchaîne, y'a de la prod encore. C'est du rap de loup. Anti Zemel, je vous laisse son chien sur la bouche, prends l'oseille. Fils du diable dans la bouteille. Bon Waybi à la prod, Waybi à la prod. J'bon goulot, et nique sa mère, on y va au culot. C'est nous les petits que les profs. C'est nous les petits que les profs préféraient voir absents. Je connais pas Thalès ni Pythagore, je sais que tu utilises le 30. Ah, pull up, pull up, pull up. Pull up. C'est reparti, la 25ème. Drop de loup anti-zemel. Dernier quart d'heure. Le money time. Les bouts, on le est dans les money time. Pisse du diable dans la bouteille, j'bois au goulot et nique sa mère, on y va au culot. Ouais. C'est nous les petits que les profs préféraient voir absents. Tu connais pas Thalès ni Pythagore, je sais que si tu dis juste trop. Ah, ça va être dur pour tes parents. Encore pédé. Vu de peau qui fait par au pain, me trompe pas, je te laisse décerveler. Je préfère apprendre au type à faire de l'argent. Je dirais que l'amour c'est décevant. Pour le reste, je le laisserai voir à l'âge de la conscience, pas à l'âge de concevoir. Parle-moi franc d'euro, je m'en fous, moi qu'on se voit. C'est dans le noir qu'on se voit briller. J'allume la mèche, je fais un cendrier. Je rappais au collège, je faisais pas crimer. Je suis dans l'actualité, ça fait 5 filles, j'ai pas regardé la télé. Celui qui retourne sa veste, c'est nous, il finit tout nu. Je veux des classiques qui cartonnent comme temps mort. Mentalité, temps de guerre. On a vu tant de mecs forts tomber à terre. Le cercueil, c'est notre seul jeu. Depuis le bac à ça, je m'attraque, ça, je suis la peu fra et la massa. Bye d'assassin que des mastacs, t'as rien de costaud, va à la salle. Hey. Je veux le compte en banque des dénazards. Y'a la daronne à la casa qui rêve paysage Thalassa. Sans chaud comme un brasa, cicatrice ineffaçable. Et je suis sincère, je suis bon qu'à ça. Pas de la de mer que tu tares ça. Je kique les prods, non j'ai pas quitté l'école. En scratch, je fais kiffer mes potes. Weekend c'est cuit et déconne. Demande à Dunes, je kick le beat, c'est limpide. Viens prendre ta leçon car c'est moi l'insti. Tuteur, putain de merde, j'ai pas vu l'heure, il est temps qu'on fasse du beurre. S.H.A.O. dans la 25. Chao. Chaud. Aïe aïe aïe. Ya ya. Prends ça. On pull up. On enchaîne, on enchaîne. C'est pas ça. C'est ça. Toutes les prods sont de Waybi. C'était l'émission spéciale Waybi. Ce soir il nous a ramené ses instrus. Il est là, il est juste derrière moi, il observe. La 25ème, minuit 18, on est là jusqu'à minuit 30. Dans le bâtiment, reniflé par le yinche. Odeur de produits stupéfiants dans les linges. L'OPJ tape sur un clavier noir, mais j'ai pas de mémoire. Elle me dit que j'ai fait as, mais je m'en rappelle ap. Dans le hood capuché, j'ai 2G dans le pochon. Le poids de mes péchés, plus lourd que mes bonnes actions. Hola hombre que tal, j'espère que t'as les dalles. J'espère que t'as les dalles, sinon je sors le métal. On sait pas qui t'es, mais tu fais le grossiste. Chris Bell a cessé aussi. Oh merde, on est peut-être pas maudit. J'finirai blindé comme Rothschild. La pauvreté, le seul motif valable. Va dire à ta pute voisine qu'elle aille fermer les volets. Voilà, basta. Le soir, on fume la beuh des rastas. On n'est pas des restas. Enfin, si peut-être un peu, mais on reste hal. Ben ouais, on reste hal. Loki de l'Espagne, chargement cargaison. On finit propriétaire de la maison. J'ai fait 4 saisons, l'hiver c'est plus dur. Rien n'est plus sûr. On fait bang bang pour la luxure. Goûte l'élixir, dis-moi ce que t'en penses. Si c'est pisse, car les beaux gosses, vas-y, lève le pouce. Lève le pouce. Ya yeah, ya. Yeah. Qui reprend? Bousy, putain, sablier, j'ai plus le temps. Pour pas laisser trace, j'ai fou. Gangsta, ils étaient fous avant. Tant qu'ils voient les petites maintenant, je les laisse prendre la grosse tête. Ça fera plus facile. Ah, je la sais sans faire exprès. Quand je vois ce qu'on fait sur terre, je me dis qu'on prend tous un billet en fer express. Je la sentis, moi, pour mettre à feu les nerfs. Je te laisse au sol pour finir sur la civière. C'est insolent, je sais. C'est invisible qu'on traite. C'est millionnaire que je nous vois, mais c'est prolétaire qu'on est. L'ancien se noie dans l'alcool quand le petit rentre de l'école. J'aimerais aider les gens mais ils donnent rien en retour. Je m'en remets à Dieu, j'appelle pas le 18 quand je crie au secours. Pas de médecin chez nous, c'est quand un blessé au cœur. Dans ma tête c'est flou, flou. Je sais qu'ils me voient comme un fou, fou. Je peux tout niquer sur un coup, coup. Je suis solo, c'est moi le look, pas besoin de vous, vous. Hey, hey. On enchaîne, on enchaîne. Oh, tu nous as fait une prod de Mexico ou quoi? Elle est d'art la promotion, frérot. Mexico, on est au Mexico dans la 25e. Ok. Wayby à la prod. T'es la génie qui pense qu'à saper en Versace. Jamais je crierais mes idées, la vovo l'âme me fait de l'effet. Oui, en effet, on se connaissait, mais j'aime plus trop bavarder. Non, j'aime pas me mélanger. Toi, je te sens pas respect de moi, ça m'évitera des coups bas. A vrai dire, j'apprécie pas ça. Dans l'ombre, je préfère être discret. Et sur le calendrier, vois le time qui fait que c'est coulé. Fais clip de temps en temps de la cité, mais pas pour longtemps. Plus le time de culpabiliser, je fais des erreurs, ça je le sais. Rêve toujours d'une Skydweller au poignet. Et comme ma vie, c'est un jeu, j'ai souvent vu Game Over. Faut redoubler d'efforts, y'a pas le temps pour les remords. Entre toi et moi, c'est mort, y'a un froid polaire. La scène maman de record, je me couche au lever du soleil. Là, je suis cerné, faudrait que je pense arrêter de me gazer. Faudrait que je pense à arrêter de me gazer. Objectif évoluer comme le 11 du BVB. Sans doute tu crois pas en nous. Franchement j'en ai rien à foutre. Perso moi j'ai pas d'où. Je regarde devant et plus derrière. Ya yeah. Hey. Hey. Ça revient, okay, t'inquiète okay, pas. Ok, c'est parti. Mexico, au fond Mexico. Du gouffre je m'enfouis, j'ai pas dormi, j'ai pas encore graille. On fonce en ville, zone et la street, quelques dorés dans les poches mais j'ai aucune maille. Si près du but je me suis senti, mais j'ai grandi, j'ai rapidement tourné la page. Couler le blind et fumer la frappe, fais ce qu'il est que pensé par les stars. Eh, hey, quelques menaces et tu tomberas, quand le pétard tu la boucles. Rares sont ceux qui sèment le doute, mais graves sont les injures et les coups. Ah, t'as fait du mal à ma troupe, ta vision va virer au trouble. Mais jamais je te manquerai de respect, même si toi sans pitié tu l'as fait. Les euros sont discrets dans le quartier, toutes les autorités s'en battent les cheveux. Ce que je peux pour faire de la monnaie, je tèche mon mégo depuis le canapé. Puis je roule le suivant, j'effrite l'amnésia. Résultat bédo plus large qu'à des mots. Je suis victime de la vie et de ses aléas. C'est pourquoi mon kamas est assez gros. Hey, hey, et si, et si, et si, et si. Wouhou, SO, SO, SO, SO, hein. Bang bang, et je connais pas la vie de château. La haisse, je n'y ai pas échappé. Je fais pas les El Chapo, je vais la baiser sans la tchatchi. Arbi des aides, c'est pas un muchacho. Je connais sa hatch, sa bouche, sa glotte. Sors le pèse et les caisses sa folle. Gifle lui sa mère si elle fait la folle. J'ai vendu le tahi, j'ai esquivé la fouille. Et quand y'a fouille, nous on cherche la faille. Je fume la forte aux effets néfastes. Et j'attends encore que mes péchés s'effacent. Dans 10 berges, je serai dans quel état? Ah, si j'y passe, ils diront qu'il était temps. Ils m'ont haïen et j'ai pas la tété. En tété, le DZ est têtu. Je suis pété, je titube. J'ai niqué ta rue, mais tu t'es tu. M'appelles pas la mif, mais qui es-tu? Je suis pas à la recherche de quiétude. Je devrais arrêter d'esquiver le stud. Je suis au stade où le tahe te tue. J'arrête ça, mais d'abord je tire une barre de plus. Puf, une barre de plus. Puf, il faut que j'amasse un max de thunes. Je mets mon masque et je leur casse le cul. Scoot ton couer, je te passe dessus. Les temps sont durs, la tension dure. Et je vois la haisse qui me tend son cul. Mon son tue, c'est une balle réelle. Ce que je veux, c'est mon dû, pas les miettes. Si je titube, je suis rap ta miette. Je sais qui sont les putes, qui sont les miens. So so, so so. Ouais, change la prod, ciao frérot. Yes. Pull up, S2 et ma gueule, S2 et ma gueule, S2 et ma gueule. Ouais, ouais, ouais. Hey, hey. Hey. Je crois pas me le faire, si. Hey, hey, hey. Où est-ce que tu es? Eh, c'est au M. Eh. Comment? Triste décor. Aïe, aïe. Ça vient de Belfort. Triste décor. Triste décor. Ah, C-O-M-O-R. Ça fait Triste décor. Elle aimerait que je l'appelle mon bébé. Je vois que des porcs. Hey. Il en faudra plus pour nous voir céder. Tu crois que je déconne? Moi je dis que la plupart sont des gros PD. Ils brassent tous des tonnes. Pour la thèse ils ont modifié leur CV. J'ai du capter. Américain et leur capitaine. Ils se moquent tous des handicapés. Si on te capture, on dirait que chacun s'appelle. Pour l'instant je soigne ma plaie. Si on se parfume, c'est sûrement pas pour cette pute. Belle est en train de m'appeler. Tu sais j'ai pas de thune. Je suis tombé, je me suis relevé, je me suis battu. On va défoncer, tu vas partir bas de trip. Démarrage, hold up, on s'arrache. Ils viendront me sucer si ça marche. T'es malade, grosse folle, si elle a un gros poule, elle voudra faire que du salas. Bang, elle bang, voudra bang, faire bang, que du salas. Mon équipe, tu n'es pas prêt. Elle n'a toujours pas fini d'encaisser. La location, coffre chargé. Sous potion méga va t'en transpirer. Encaisser, encaisser, encaisser. Il n'y a que ça dans nos têtés. Les billets, on les veut violer. Le rouge est pour celui qui se fait expulser. Me parle pas du jaune, il finira en fumée. Bref, aujourd'hui, je vais tout déclarer. J'en ai marre de tes histoires stupides. Ce qui te sert de meuf, c'est tellement sordide qu'à chaque sortie, se finit en génocide. Hey, hey, hey. J'enfile ma paire que je dis. Décolle voir le poteau fumer de la weed. Hey, hey. Waouh, waouh, hey, bang, ça fait, hey, hey. Les montagnes ne se croisent pas, mais le faire si. J'ai voulu apprendre l'histoire, m'a éclairci. Une forme, mon modèle, mon inertie. Aïe, ma merci. Ils ont mis le dehors, c'est le matelas. Cabousse, j'ai charbon, halte là. Elle fait trop la bosse, elle reçoit tarte là. Je m'attends comme en France, elle a pas carte là. Y'a que sur le terrain que je fais des heures sup. J'ai trahi le sud pour le sup. Pour l'opposition, ça sera horrible, pénètre en eutale, une énorme histoire sup. Véritable bœuf, prends en la graine. Tu frappes les cuisses et t'as pas de bœuf. Héritage dangereux, tu sais des regrets. Que t'entends pas après, je t'ai coupé la queue. Je suis solide. Je vous baise en oncle de juste. Je suis solide. Y'a plus de zones dans ma tête que dans tout pays. Là, je ramasse solide. Ta mère carrière des salopes. Pressons les accès sont donc là par là. Je parle à Capessa. Ringo qui est pas ça. Ils se prennent des pites de calotte. Faut de la maille pour l'été. Pour l'été. T'as hit ici, je me fais pas péter. La sucerie arrêtez. T'as tété, c'est ton mieux que celle qui t'a allaité. Salope, salope. Salope, salope. Check, check, check. C'est la dernière, les gars, c'est la dernière. Pull up, pull up. Check, check, check. La furie t'a Adolphe, n'hésite pas. Wallah. N'hésite pas, n'hésite pas, on l'a remis en beauté. Disons que c'est la cerise sur le gâteau. Check, check, check. Besançon, c'est 1.8. Radio Sud. Détends tes bras sur le pit. Détends tes jambes pour ma pute. Salope. Détends tes bras sur le pit. Ok. Ok. Ok, ça fait. J'écarte tes bras sur le pit. Détends tes jambes pour ma pute. Salope. J'écarte tes bras sur le pit. Ok. T'écartes tes jambes pour ma pute. Là, avant moi, que j'abrite. Les gens tout niqués, dispersés, va cervelle sur la prime. Et là, je suis né en Afrique. Nique ta mère, toi et ta fric. Toi et ta prime. Obligé de sortir le pompe, la mute, on continue, on prend le mer pour ma fric. Bang, bang, bang. Ok. Rob sans ZRF. Rock sans ZRF. Nous gagne de passera le ZLM. D'inspiration. Cacan de concentration. Je fais les présentations. Je dis non, si je n'ai eu qu'un fureur, à guise de compensation. Bang, bang, bang, bang. Soyons mes comme JP Shaft. Personne n'échappe. J'enfonce le rap comme une chatte. Je fais la guerre, nique tes chats. Rap des soldats, nique tes chats. Ok. Rap dans, je suis dans le gaz, ouais. Rap avec tes baisers, ouais. Pense tous dans ton blanc si ta défense. Et ton glaise, ouais. Tout décapé, tout craqué, de trophées. Mon dieu du haram, j'en ai beaucoup trop fait. Tu n'as pas de goût, t'as le sgag à trop fier. Tu te fais baiser à tes amis, tu t'es trop fier. J'te pétis comme un SS. Va te mettre ce bas de SS. Ouais, ouais. Je nique tout dans ton espace. Accompagne dans mon espèce. Bang, bang. Bien sûr que t'as pas le choix. Nous a tout trop pas de corps. Ça va commencer que je vais les terminer. Avant la bombe, le terrain est miné. Bah dans ma zone, tu trouves grâce que tu veux. Si tu payes cash, on sera nous deux heureux. Faire mon dans le four à la quête des euros. Trou tout dans les mêmes, à la fin, c'est zéro. Diamant gueule sur écoute, écoute S2, c'est ma fond dans les écouteurs. Attention, son périph, fais péter le moteur. Y'a la frappe dans l'emballage, t'as ciré quand t'as senti l'odeur. Dealer, mémé, aucun dans la bebe. Madeleine basse, ça fait la frappe, fait le 22. Trop frais, aucun place à tailler. J'ai des paquets au pas du half, moi et mon s'abonné T2. Y'a la queue bas, c'est top départ. Bloqué en banc, rêve de péter les records. Sur nous, ils font des débats. J'ai l'éjecté, c'est des deux ports. Feu classe, tube, ça barre dans stunt. Feu des zéros, ça bique grave l'héros. Fais pas l'héros dans le ghetto. Y'a mes robots, si j'ai gros tâche, moi les giro, qu'est pas ça. Amigo, j'ai pris flow, amigo, c'est la bida loca. Ça détaille la locale, qu'a dit on fait le boucan. Hey, hey, danse, soldat du boucan. S2M, Dynasty. N'hésite pas à checker. Check, check, check, c'est Radio Sud. Besançon, sur 1.8. Aïe, aïe, aïe. Je monte en ma gueule. Check, check, check, y'a Willy. Parce que Kaya, y'a de la moula, gros. Désolé, les gars, je suis obligé de couper. Il est minuit 30. On était là jusqu'à minuit, normalement. Merci à tous ceux qui sont autour de la table. Partez pas. Partez pas. Prenez le contact de Wayby. On sait jamais. Il a des instrus, les gars. Prenez le contact de Wayby. C'était l'émission spéciale Wayby ce soir. Merci. Opinel Zop. N'hésite pas à checker Radio Sud, Besançon. La prod que Wayby a fait en première heure, on la mettra sur les réseaux pour ceux qui veulent écouter. Libéré W. Merci beaucoup. Sur 1.8. Check. Merci beaucoup. Restez là, on va prendre une grosse photo là devant avec tout le monde. On rend l'antenne, merci. Radio Sud, 101.8. Merci, ciao. Radio Sud.net. 25e. On refera ça en plus grand, en plus long, en 2 heures, en 2 heures direct. Check. 101.8 FM, Radio Sud, bang bang. C'est Chao, je vous laisse, bonne soirée, minuit 30, bye bye. Chao. Si, la 25e comme d'hab. Mi cama, ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Otra vez llegamos hasta 10. Tiny the one here, shop. Shampoo, rating, shampoo. Gay Balvin, Tiny. Radio Sud. Radio Sud. Trust me. Tu me parles 1005, 1006, 1007, de quoi tu me parles 1007, 1008, 1009, de quoi tu me parles. Besançon 101.8 FM. 101.8 FM. No, I- Sud. Radio Sud. Ils vont racheter Paris, les sicarios. Toute une jeunesse propulsée dans le crime. Donne les sous-bois au bordel de Rio. Y'a de moins en moins de postulants à l'usine. Y'a de la coca jusqu'en Chine. Des chrysanthèmes se déposent sur les hôtels. Des ex-barons de la ville. Parce qu'on est tous juste des êtres faits d'argile. Ma belle fait pas la maline. D'ici 10 piges, tu jalouseras les baleines. Ouais, y'a du laisser aller. Et le silicone ne peut pas tout effacer. Mets-moi un Jack sans glaçon. Trahir les miens sans façon. Nous on sourit devant l'acier. Frétis dans l'avion, hein. J'suis tout en haut de Vidigal. Mais c'est du tard, de Ketama que Ginal. Marginal mais matinal, paradoxal. Comme Francis Lalanne dans le sup. Si ça marche pas un peu plus, j'ai déjà des idées. Faire des applis sur iPad, un truc révolutionnaire qui changerait ta vie, comme se faire livrer des putes. Sur un yep, c'est la guerre à ses ploucs. Sur un yacht, fond avec ses pecs. Ghetto yacht dans une suite au Marriott. Room service, tu vas pas se t'inquiète, t'inquiète mon pote. Y'a du liquide, qu'est-ce que tu parles, carte bleue. Parce que c'est facile à perdre ou oublier. Comme l'inter Toto, ça a toqué. Bonsoir les filles, vous buvez quoi? Pas de photo, enlève ta veste, garde-la. J'm'en bats les couilles, c'est toi qui vois. On va passer la deuxième. Faites pas bien, il est choqué. Qu'est-ce que vous foutez à 4 du mat? Fonce des dans un hôtel paumé, hein. La défonce, la descente, il déchante le buzz. J'ai pas vu un seul ange à Los Angeles. Une fausse couche, la débauche, m'a tué dans l'œuf. C'est bientôt la fin là, désolé les refs. Mes visions m'indiquent toutes que la fin est proche. Tes météores toucheront la gare de l'Est. Il paraît qu'en enfer il neige. La défonce, la descente, il déchante le buzz. J'ai pas vu un seul ange à Los Angeles. Une fausse couche, la débauche, m'a tué dans l'œuf. C'est bientôt la fin là, désolé les refs, je vais me barrer. A Rio de Dinero, hein. Appelle-moi Johnny de Janeiro, hein. Rio, Rio. You walking towards you with my head down, looking at the ground. I'm embarrassed for you. Paranoia, what did I do wrong this time? That's parents for you. Very loyal, should I have my back? Would you put a knife in my hands before? What else should I carry for you? I care for you, but on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. Wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet, let me guess. You want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'm gonna have to leave. Please don't come after me, I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all, go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them on, like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now, give it all to you. On the edge right now. Wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down.